7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Ça fait du bien de chanter, ça fait du bien de vous retrouver aussi le matin. On est avec vous, c'est Francky dans la radio. 7h08, après quelques soucis techniques. À la technique, c'est Michel. Bon, il a tout réglé, c'est bon. On est heureux d'être là jusqu'à 9h. Et ouais, le temps est pourri ce matin, en début de matinée, mais ça devrait s'améliorer normalement. La météo. La météo sur Radio Arc-en-Ciel, eh bien ce matin le ciel est couvert, nuageux avec de la pluie malheureusement, mais selon Météo France, le ciel devrait être dégagé dans l'après-midi avec des degrés plutôt pas mal ce matin. 13 au lever du jour et on dépassera les 22-23 degrés, ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième, c'est l'artiste qui arrive avec Mafiosa sur Radio Arc-en-Ciel. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hey, t'as tout bien, tout en bien, t'as tout bien, vamos ver si tout a bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y'en a qui sortent en équipe avenue Montaigne, François 1er, je suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. T'es tellement douce, obligé de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa. Mamma fiosa. Assim você me mata. Et voilà que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense qu'elle a su tra censurer. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui.

Mon soleil. Eh, pas de bol ce matin, il n'y en a pas. Hein. Ah Jérôme, sur Saint-Jean-de-Bresse, salut Francky, merci de te retrouver le matin, ça fait plaisir. Bah nous aussi, c'est la grosse rentrée là, pour nous, pour vous peut-être. Quel est ce bruit? Bah tout à l'heure on entendra un bruit, falloir me donner le nom du bruit. Peut-être que j'aurai des cadeaux pour vous, hein, si vous êtes sages. Et ouais, quel est ce bruit? Ah, ça va être pas compliqué à trouver, mon soleil. Et puis Kevin Kinvey qui arrive en force, qui revient en force. Et on adore ce mec avec une belle reprise. Voici Dilemme sur une couleur. I love you. I need you, baby. I love you. I do need you, baby. Faut que je t'avoue, c'est plus qu'un simple rendez-vous. J'aimerais te voir à genoux, plus dur pour la vie, toi et moi, fondons. Oh baby, faut que je t'avoue, c'est plus qu'un simple rendez-vous. J'aimerais te voir à genoux, plus dur pour la vie, toi et moi, fondons. Yeah, c'est que je ressens pour toi et sans limite. Pas besoin d'artifice, tu es mon essentiel. C'est vrai, je suis tombé sous son charme si vite. Sans toi, je me sentirais comme un soleil sans ciel. Ta présence se réveille, tous mes sens. Ton aisance m'émerveille, élégance. Sans défense, sans sommeil, quintessence. Tu es tout ce dont j'ai envie. C'est quoi ça? J'suis pas un zélosa. Nous deux ça se finira pas. Un peu comme la cosa nostra. Non je ne suis pas dans ça. Car parce que tu y penses à, c'est toi et pas une autre ce soir. C'est peut-être le grand soir. Tu as tiré sur mon cœur bang bang. T'es rentré dans ma tête et tu m'as rendu dang dang. Toi tu as tiré sur mon cœur bang bang. Yeah. Tu es tout ce dont j'ai envie. Je sois monté le stress comme si je passais un examen. Baby, je serai méconnaissable. Ce sera le plus beau jour de notre vie. On fera ça bien. Maman, on a les seins, le téléphone éteint. Je peux te voir au rêve et t'aide-moi tous les matins. Je te jure, je t'en fais la promesse. Notre avenir ne sera qu'amour et tendresse. Yeah. I love you. Je suis tombé à genoux. À genoux ce matin, ouais, c'est pas facile, hein. Heureux d'être là, c'est Florent Amigou aussi qui est là dans la radio. Salut Florent, qu'on enregistre toutes les émissions. Salut poteau, 7h21 minutes. Alexandra aussi du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut Francky, ça fait plaisir de retrouver ta douce voix. Ouais, en malade Francky un petit peu ce matin, hein. Reprise malade, mais bon, on est là pour vous. Pour vous donner le smile, le sourire. Courage à tous ceux qui vont bosser, pas facile, hein. Après un mois de retour de vacances, ouais, c'est pas du tout facile. Lucenzo et toute la famille qui arrive avec Don Omar, Daddy Yankee, Econ, Pitbull, le remix. Et puis c'est quoi ce bruit tout à l'heure à l'antenne? Eh ouais, vous allez voir. Fuerza del man que se me elevó en tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te nega aquí en salino. ¿Quién puede pagar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Con una mano arriba, cintura sola. Quiero un feliz futuro, balanza, yo me lo. freno. Cuando lo mueve y es como un trueno. Va ganándome con su bella danza. Sin jugar yo le dije así. Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafados. Nadie la pista se ve cansado. Quien no tira perderá. Uno, morena, conmigo te pega. De lado a lado, de lado a lado. Una mano arriba, cintura sola. Qui seront réunis pour ce titre. Le remix, Lucenzo, toute la famille est là. Don Omar, Akon, Pitbull et j'en passe. Radio Latina le matin, 7h27. Ouais, quel est ce bruit? Alors c'est pas compliqué. Je vous fais un petit extrait de bruitage du matin. Vous reconnaissez le titre du bruit. Ah, ça va pas être facile là, d'un coup. Eh bien, je vous file un petit cadeau. Ah ouais, attention, concentrez-vous, vous êtes de l'autre côté de la radio. Poussez la musique, poussez le fond, et puis écoutez le bruit justement en fond de radio. D'après vous, c'est quoi ça? Allez, attention. Ah ouais. Je sais pas si vous avez reconnu. Si, peut-être. Ouais. On peut remettre un petit coup, allez. Bon, ça y est, c'est parti. Vous avez reconnu le bruit de la radio. Vous reconnaissez. Vous m'appelez 02 38 43 48 00. Et puis le petit cadeau pour vous. Ah, un bon cadeau. Un cadeau surprise, justement. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Si vous avez reconnu ce bruit mystère, il y en aura plein ce matin. Eh bien, le cadeau, c'est pour vous. Bébé, faudrait rentrer. Tu vois, je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, des cendriers tous renversés. Des heures passées, devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir, à me demander, tu peux bien aller. vas plus rentrer. Je peux faire une croix sur toi. Louis Bertignac et les visiteurs sur votre radio couleur avec ces idées là. Bah ouais, on en a des idées des fois, hein, pas mal. Et justement, il y a Sébastien de Saint-Jean-de-Bray qui m'a dit, c'est le bruit juste avant, c'est une lime à ongles. Non Seb, c'est pas une lime à ongles, entraîne-toi encore un petit peu, je vous fais écouter le bruit. On lit un petit coup vite fait pour aller pour la forme. C'est quoi ce bruit, hein? C'est quoi ce bruit, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est facile, il y a Joël qui a trouvé. Joël va nous appeler, je pense. 02 38 43 48 00. C'est le son latina qui arrive. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está pura, pura, pura, pura, pura. Que está pura más arriba porque tú te ves bien. Está pura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está pura, dímelo, dímelo. De baile, si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, baile. Ese perfume se siente en el aire. Ando como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Dura, dura, dura, dura, dura, que la 7h35 du matin. De la pluie sur Orléans. Mais ouais, mais ça va se calmer. Le soleil devrait être au rendez-vous. Salut Alexia. Salut Virginie. Salut Pascalou. Salut Eduardo. Salut Joël. La belle Porsche qui se trimballe sur Orléans. Joël, il a trouvé le bruit. Ouais. Je vais vous le donner dans 3 minutes. Bravo Joël. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Il m'a envoyé un texto. C'est bien ça. On vous en parle juste après l'artiste. Bon réveil. Belle journée. Essayer à prendre quelque part. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Amateur sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama des chaos. Allez kata kameno kao. Doucement doucement juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama des chaos. Allez kata kameno kao. Doucement doucement juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, Tu t'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Cachou, cachou. Au début, je crois qu'il disait cachou. Vous savez, les trucs dans les petites boîtes en ferraille, là, à l'ancienne, là. Ouais, pour ceux qui faisaient de la gueule à l'époque, ils prenaient ça. Hein. Bah ouais, ça arrive, hein. 7h38, peut-être au petit déj ce matin. Caroline qui est là, salut Francky, ça me fait plaisir de te retrouver à la radio. Puis un cachou, cachou, ça fait plaisir. Chichi, chouchou, beignet. Ah, ça me rappelle des souvenirs de vacances, hein. Quel était ce bruit? Bah, vous l'avez reconnu. Ah ouais, Joël, à Saint-Y. Bon, il est aux toilettes, là, il m'a appelé, mais il est aux toilettes. Il peut pas nous appeler tout de suite, il va nous rappeler après. C'était la brosse à dents, bah ouais, facile à trouver. Je lui offre un petit cadeau à mon Jojo, bah ouais, c'est comme ça le matin, vous reconnaissez le bruit. Et je vous file le cadeau, et puis je vais vous rappeler un rancard, ça va se passer samedi. On sera au forum des associations à Fleury-les-Aubrais, la passerelle, la radio en direct. Dans un monde qui tourne dans le vide, je décide ce soir de changer ma destinée. Quand tout s'effondre, arrive le signe, cette lueur d'espoir, l'envie de s'élever. Retrouver l'essence de l'envie, redonner un sens à ma vie. Écoutez mon cœur, c'est essentiel. Même si rien ne sera plus pareil. Attiser les flammes de la nuit, éloigner le feu de l'ennui. Faisons que nos rêves deviennent réels. De rien, fonder des liens, donnons avons les moyens d'arriver à nos fins. Retrouver l'essence de l'envie, redonner un sens à ma vie. Écouter mon cœur, c'est essentiel, même si rien ne sera plus pareil. Attiser les flammes de la nuit, éloigner le feu de l'ennui, faisons que nos rêves deviennent réels. C'est en direct, 7h42, 2 minutes, 7h, heureux. 9h, votre réveil matin. C'est Francky. C'est Francky. Ouais, vous avez vu, je prends même la voix des jingles du matin officiel. Francky dans la radio, 7h, 9h. Avec Christiane qui est du côté de Olivet. Salut Francky, merci d'être là, ça nous fait plaisir. Christiane qui a 52 ans, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, Christiane, justement, 52 balais. Ce titre-là, remixé par la radio. Tu dois le reconnaître forcément. 28 degrés à l'ombre. Cet animateur radio avait une voix de dingue. Il faisait beaucoup de jingles. Il nous a quittés en 96. Voici Monsieur Maurice Jean-François, 28 degrés à l'ombre. Écoutez, c'est sur l'air en ciel. je me vois bien au bord de la piscine là, en train de siroter un cocktail. Ouais, sans alcool. Enfin, ça dépend, la tête est plus folle. Et ouais, heureux d'être là. Salut Virginie, salut Pascal. Il y a du monde ce matin. Et la Porsche qui se balade. Et puis j'ai des cadeaux ce matin, justement, si vous reconnaissez le bruit mystère de la matinée. Eh bien on vous file, vous allez voir, je vous file un cadeau de ouf. Il faudra venir chercher la radio directement un matin, comme ça on se boit le café de l'amitié, hein, c'est ce qu'on dit. Et puis notre invitée tout à l'heure, elle a traversé le monde. Le monde, eh ouais, elle est d'Orléans. Tout le monde, elle l'a traversé en stop. Imaginez-vous, Florence Renaud sera notre invitée tout à l'heure vers 8h15, 8h30. Et je peux vous dire, je suis heureux de l'accueillir. Vraiment. Hein, un titre que j'affectionne, j'ai vu un film il y a pas longtemps, là, c'est la bande originale de ce film. Et on adore sur votre radio couleur avec les clans des gangs, justement. Le leader nous a quittés il y a quelques semaines. On lui fait un petit clin d'œil ce matin avec Joanna. C'est les clans des gangs. Bon réveil et belle journée sur votre radio couleur. Le film, heureusement que ma femme est là quand même. Divorce Club, voilà, pour tous les divorcés de France de matin, si vous êtes dans les bagnoles. Ah, pas de bol, c'est mieux divorcé, ouais. Désolé, franchement, ouais, c'est lourd un divorce, franchement, c'est très très lourd. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça, c'était la bande originale du film. Allez voir le film, vous allez voir, ça vous donne le moral. Heureux d'être avec vous ce matin du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Isabelle, salut Francky, merci d'être là. Bah, merci à toi. Le bruit mystère. Alors, j'ai un deuxième bruit mystère. Est-ce que vous allez reconnaître? Vous allez voir. Écoutez bien, branchez bien vos oreilles, c'est le bruit mystère. Il est facile celui-là. Vous l'avez reconnu le bruit mystère quand même. Allez, on se remet un petit coup. C'est pas une bagnole. Hein. (02) 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Allez-y, lâchez-vous. Le matin, c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. Est-ce que vous avez reconnu le bruit mystère dans un chien de Canada? Eh bien, 02-38-43-48-00, ça va être bien avec la prière païenne. Bon dia la famille. J'aime plutôt ça, je n'oubliais pas un peu aussi. Se faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour. La vie toujours, toutes ces merveilles. Toi le ciel, ma prière païenne. Céline Dion sur Radio Arc-en-Ciel. Alors le bruit, vous l'avez reconnu? Non, c'est pas une bagnole de course, c'est ce que me dit Hervé. Non, c'est pas ça, mais on a peut-être la réponse avec Joël qui est là. Salut Joël. Salut Francky, ça va? Bah ça va, et toi? Une belle voix le matin, Joël, dis donc. Ouais, tu t'entraînes pour avoir une voix de merde comme ça? Bah c'est comme toi. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens de bonne humeur le matin comme ça au réveil. Ça fait vraiment plaisir, Joël. Il fait quoi dans la ville, Joël? Rien. Ah, bah c'est bien. C'est bien de faire du rien. Moi j'aime bien le rien aussi, ça fait plaisir. Hein. Moi aussi je fais rien à la radio. Eh ben tu vois, c'est ça. Ouais, t'as reconnu le bruit mystère ou pas, Joël? Bah oui, c'est le bruit d'une tente comme toi. Ah ouais, une tente, c'est presque ça. C'est la fermeture éclair d'une toile de tente. Bah c'est ça, voilà. Eh hey Joël, le cadeau pour toi, attention, c'est le cadeau de malade. C'est le chargeur portable pour la bagnole avec multifonction. Il y a plusieurs câbles, comme ça tu peux brancher toutes les marques de portables que tu veux. Eh ben c'est génial. Eh ben voilà, t'as vu, t'es heureux, hein? Je croyais que j'allais doubler mon salaire ce matin, non? Ah ben c'est pas encore là, on n'a pas encore les moyens, mais si tu veux doubler le salaire des auditeurs, tu peux le faire. Mais ça arrivera dans 12-13 ans à peu près. Bon, allez, ça va, ça va être tranquille à la radio. Bisous. Eh, hey, merci de ta bonne humeur. Ciao, bisous. Salut Joël, en direct à la radio. Vous aussi, vous pouvez nous appeler si vous reconnaissez le bruit mystère. 02-38-43-48-00. Il y en a un dans moins de 20 minutes. Et puis notre invité qui arrive à 8h15, c'est Florence Renaud. Elle a fait le tour du monde en stop. Elle est revenue sur Orléans. Elle nous en parle tout à l'heure en direct. Sure. 58 super DJ, ça, Dimitri from Paris avec la prise de Chic de Freak. Quel souvenir discothèque. Ça y est, les discothèques hein, sont quasiment réouvertes hein, le week-end. Le pass sanitaire et le test PCR 72 heures est obligatoire bien sûr. Mais n'hésitez pas à leur filer un petit coup de main à tous les clubs de France et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Le son du matin qu'il vous faut, El Faluco Radio à Crunchy. Voilà. Le meilleur son latino, c'est le matin avec la grosse nouveauté. El Pepas, Faluco. C'est sur votre radio couleur. Bon dia la familia. Yeah. el mundo en patilla en la discoteca. Me va y agua para la seca. Todo el mundo en patilla en la discoteca. Avec ça, je vous réveille pas le matin si je vous donne pas le smile et la bonne humeur pour aller au bureau, dans la voiture là, ou en vélo. Faites gaffe, il pleut un petit peu côté météo, ça va s'améliorer, on vous en parle tout à l'heure. Salut à Eduarda qui est du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, belle journée à toi. Farouko, c'est bien ça, c'est nouveau, c'est déjà la radio. Et des bons plans, la passerelle, on vous les file, ça va se passer samedi avec la radio. Eh ouais, samedi. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Eh, c'est vrai, quand t'es pas là depuis un mois, on oublie les jingles, on oublie d'appuyer sur les bons boutons, mais ça y est, on a trouvé les boutons que j'avais quand j'étais gamin, j'en avais plein la tête. Ouais, je mettais du Biactol devant la glace, vous vous rappelez, on perçait le bouton là, je claque. Allez, bon réveil et bon petit déj. Alors la passerelle, ça va se passer samedi. La radio Arc-en-Ciel sera là-haut en direct parce que c'est le forum des associations à la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Toutes les assos de Fleury seront là et puis nous on va animer un petit peu tout ça, voilà. Donc j'y serai à partir de 10h avec toute l'équipe de la radio. Couleur, si vous voulez nous voir, eh ben, n'hésitez pas. Venez à la passerelle à partir de 9h. L'équipe vous accueille les bras ouverts. On aura des petits trucs pour vous, des petits cadeaux. Eh ouais, et Thérapie qui arrive, un titre qu'on aime bien sur la radio Couleur. C'est frais, c'est bon quoi. On peut pas dire le contraire, franchement. Voici Thérapie sur votre radio Couleur. Belle journée, bon réveil. Au volant de la toute dernière Porsche, bah ouais, pourquoi pas, hein, si on était milliardaire, c'est ce que j'achèterais, moi. Voici Thérapie sur la Couleur. Belle journée, bon petit déj. Pourtant, moins d'heure, on a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour, tous les jours, j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te loves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à l'en route. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais mon roi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Un monde d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rues. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Je te rapproche et puis j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs. Et seul tous les soirs. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour, amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai Thérapie, ça, on a besoin en ce moment de thérapie. Hein. 90, redette là avec vous, le bruit mystère. Et ouais, on vous fait écouter les bruits. Vous nous appelez 02 38 43 48 00. Je vous file le chargeur pour la bagnole avec multifonction. Hein. Multiportable. Ah ouais, on a pas pris le portable de merde, hein, n'importe lequel. Hein. Le chargeur multifonction, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ça peut dépanner. Quel est ce bruit mystère? Est-ce que vous avez reconnu? Eh bien écoutez. C'est un chat qui dort. C'est pas facile, non? Hein? Si, vous avez reconnu? Bah oui, forcément. Bah forcément, vous avez reconnu. Appelez-moi 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Vous m'appelez, vous reconnaissez ce bruit. Hein? Facile. Et là, je vous file le chargeur de la bagnole. Hein? Multifonction pour recharger le portable quand vous n'avez plus de batterie. Hein? Hein, Katia? Ouais. On va être là, 8h06 en direct. Et demain, j'appellerai des maisons à louer. Hein. Je vais faire une petite fête, mais je vais pas leur dire. Hein. Quelques maisons à louer demain, je vais appeler. Pour voir si c'est disponible. On sera une trentaine dans la baraque. On va voir. Allez, si le carton. Ram pam pam. Palam pam pam. Ram pam pam. Mini Valélie. Baby, I see what's in your mind. I see you try to find another life for me. When I ask you about it, when I ask you're hiding from me, confusing doesn't listen to me. I see our love was just a fantasy for me, and you play me like nobody. You shot me so damn well. You bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You bum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why? You shot me so damn well. You bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You bum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why. Another thing of sympathy from me. You turn into your enemy. I see, I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy. And you play me like nobody. Mm-hmm. You were everything for me. Mm-hmm. You shot me so damn well. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You don't bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum bum. I loved you and I trusted you so well. Oh, oh, oh, oh. You shot me so damn well. Bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You don't bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh, why, oh, why, oh, why. I don't know what you're hiding from me. Maybe tomorrow I'll see what you want me to see. You don't bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You don't bum bum. I see the satisfaction in your eyes. You don't bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why? You shot me so damn. You don't bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You don't. Bon, ça va, c'est pas foulé pour la parole, hein. Ram pam pam, ram pam pam. Moi aussi, je peux faire un tube. Tiens, je vais faire un tube. Eh, vous voulez faire un tube avec moi, vous voulez mettre de la thune? Appelez-moi à 02 38 43 48 00. On fait le tube de l'été prochain, comme ça on a un an pour le faire, on est bien. Coq Robin qui arrive à Clean Bandit aussi, au Radio Couleur, la météo dans moins de 3 minutes. C'est mitigé ce matin, ouais, c'est mitigé mon frère. Radio Couleur. 7h, 9h, le matin c'est bien, et c'est Francky. Et c'est bien. 7h, 9h, Francky le matin.

parqueado. Dando vueltas por el condado. Contigo siempre he levantado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000 y que se fora. El botón ya no abre Pandora. Como que si no lo sabes, por fora. Baby, a ti me lo pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. David Guetta fait des trucs de malade quand même, hein, avec Bad Bunny là. C'est vrai, hein. Il a changé David, hein. Il est plus comme avant, il m'appelle plus. Hein. Hey, David, si tu m'entends, appelle-moi en souvenir hein, des années 2000. Bah ouais, hein, t'as oublié plein de choses. Comme ça la famille, la météo qui arrive. La météo. Ah, là, je me prends pour Emeline Delia ce matin. La météo de 13 à 23 degrés. Malheureusement, le ciel est chargé et pluvieux un petit peu ce matin, mais des améliorations dans la journée avec le soleil qui fera son apparition jusqu'à 22, 23 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième, c'est que j'ai un tube pour les anciens qui sont dans les voitures. Bah ouais, y a pas que des jeunes qui écoutent la radio. Bah ouais. When your heart is weak. Et ça va vous rappeler de bons souvenirs avec Kirk Robin sur votre radio couleur. Et puis notre invitée qui arrive dans moins de 15 minutes. Elle a fait le tour de la planète. Le tour de la planète en top. Florence Renaud dans les studios. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. I've only meant to make my move. Gonna pick the lock on it. Cause when your heart is weak, gonna put the light on. My fingertips won't fail me, no matter what you do. Il y a un groupe allemand que j'adore, Summer of Legend. Ils font plein de reprises des années 80, 90. Et bien, ils reviennent, les deux DJ. On n'a jamais vu leur visage. C'est un peu comme les Daft Punk, ils ont des masques. Et voici les Summer of Legend avec cette reprise de Dream of My Girl. Super Legend avec cette belle reprise des années 80. On adore sur votre radio couleur. Salut à Fernanda qui est connectée. Et puis samedi, ne loupez pas ce rendez-vous. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Et oui, les bons plans de la passerelle samedi, le forum des associations à la passerelle à côté de Fleury-les-Aubrais, à Fleury-les-Aubrais même. On sera là-haut en direct à partir de 9h. Moi, j'y serai, à 10h. Allez, je suis là-haut à 10h, promis. Et on fera des petits directs avec vous. Si vous êtes de passage, vous voulez connaître les assos de Fleury-les-Aubrais, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre ce samedi à partir de 9h. Ça se passe à la passerelle, à Fleury-les-Aubrais. Je serai heureux de vous accueillir. C'est voir les animateurs. On s'en va tous là, mais une grande partie, les animateurs de la radio, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc ce samedi à la passerelle, et c'est à 9h. Du son qui arrive, et on arrive avec du son caliente. On aura Barry White pour Let the Music Play, et puis une fille qu'on adore sur la radio couleur. C'est vrai que la tendresse, c'est important le matin, ça fait du bien un peu, hein. On est au boulot, on part au boulot, on a les bouchons, on est énervé, et bien et voici de quoi vous calmer avec Jennifer, donne-moi le temps. See you. l'on savait juste un peu patienter. L'argent, c'est ce qu'on dit, hein. Et puis on est sur la radio couleur tous les matins. Coucou à mon ami Benoît qui nous écoute, et je sais qu'il est fan de Nick Amen qui nous a quitté malheureusement il y a quelques mois. Voici le tube des années 90, I Promise Myself. Il avait été produit par Madonna quand même, ouais, c'est pas rien. Ouais, il avait dansé aussi pour Madonna. Voici Promise Myself sur votre radio couleur. I promise myself.

Morgane de toi. Claudio Capéo qui reprend Renault, Morgane de toi en live. Et on adore la radio, 8h38, on est en live. 96.2 FM, ça me fait plaisir de vous retrouver. L'invité du jour, eh bien elle est là dans les studios, elle est bien installée au café, c'est parti. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et puis quelle invitée ce matin, si vous aimez marcher, bah ça tombe bien parce qu'elle est partie faire le tour du monde en stop. Non, là les gens ils se disent mais non c'est des conneries. Mais non c'est pas des conneries, j'accueille ce matin Florence Renaud, pardon. Bonjour Florence Renaud. Bonjour Franck, merci de m'avoir invité. Bah merci, tu m'as dit c'est pas facile de se lever le matin, moi je me lève à 9h, désolé. Désolé de t'avoir levé si tôt. Bah ouais, l'émission c'est 7h-9h. Alors pour l'histoire, hein, les starters des radios, c'est les heures voilà où les gens écoutent le plus la radio, dans les voitures, sous la douche, au bureau. Heureux que tu sois venu nous voir ce matin, le tour du monde en stop, hein, avec le pouce levé. Comment que t'es venu l'idée aujourd'hui? Alors en fait c'est un très vieux rêve, je voulais faire le tour du monde depuis que j'étais ado. Ouais. Et en réalité j'avais un peu peur de tout lâcher pour repartir, donc j'ai repoussé. Et puis à un moment à 27 ans je me suis dit bon allez, là j'ai fini mes études, j'avais déjà travaillé un peu, donc j'avais mis de l'économie de côté. Voilà, ouais. J'avais quelques années d'économie. Je me suis dit bon allez là faut que je me lance. Et alors moi comme j'avais l'habitude de faire du stop, je me suis dit bah tiens pourquoi pas le faire en stop. Sachant que l'idée, en fait moi ce qui me plaisait c'était de partir avec une durée indéterminée. Ouais, enfin j'avais prévu 2 ans à la base, mais en fait je m'étais dit c'est pas mal quand même, si ça peut être un peu plus, on verra bien, enfin de pas me presser quoi. D'accord, t'es parti en quelle année, t'es revenu en quelle année? Et ben, je suis parti à l'été 2013 d'Orléans et ouais. Là je suis revenu été 2021. Ah la vache, 8, 9, 11, 8 mois 8 ans, 8 mois, ouais, je suis perdu. 8 ans. C'est énorme, 8 ans. C'est énorme. Ça fait quoi quand tu reviens? C'est ta ville natale, Orléans? Ouais, c'est là où j'ai grandi. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah oui, je pensais pas que ce sera à ce point-là. C'est joli, hein? Ouais, c'est hyper joli. Et non, mais il y a énormément de choses qui ont changé. Il y a des petits bus japonais maintenant. Ouais, t'as vu, électrique. Ah, faut pas que ça tombe en panne, hein. C'est ça le problème. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop drôle parce que le seul endroit où j'avais vu ça, c'était au Japon, ah en ouais. fait. Ah ouais, donc t'es avant-gardiste, tu les as vus avant nous, en fait. Ouais. Et ouais, c'est ça. Ouais. Alors 8 ans, parti d'Orléans, tu as traversé la planète, hein, tu es parti par où de le premier pays de la destination? Alors, je suis parti d'Orléans, je suis allé jusqu'en stop en Vendée au Sable d'Olonne et de là en fait, j'avais un voilier stop prévu par avance sur par internet, ouais. Que j'avais au téléphone et donc était OK pour m'emmener en voilier stop au Brésil. Ah carrément. Donc on est parti à 3 personnes. Il y avait un autre volontaire, il y avait le capitaine et un autre volontaire. On est parti au Brésil. En fait c'était un convoyage de bateaux. Ouais. Et en fait c'est son travail en fait au skipper de livrer des bateaux dans différents endroits du monde. Ouais. Et en fait il avait besoin de 2 volontaires. Donc il m'a pris en tant que volontaire. J'ai filé un coup de main sur le bateau. Et il m'a emmené en échange. Et après donc le premier pays c'était le Brésil. Le Brésil. Ah oh, quel beau pays. Le Brésil. Ouais. Est-ce que c'est si beau qu'on croit le Brésil? Parce que quand on parle du Brésil on voit des belles photos, des filles qui dansent. La fête, il y a le bon côté du Brésil peut-être et le mauvais côté aussi. T'as vu les deux toi? Ouais, j'ai vu les deux. Non mais c'est quand même génial, enfin dans l'ensemble c'est génial. Attends, le c'est Brésil la samba un peu là. Ouais, ouais, en fait c'est ça, en fait surtout après un mois de mer c'était un peu le gros choc quoi. C'est vraiment genre la musique partout, la musique à fond, la fête, les gens qui dansent dans la rue, la fête. Ouais. C'est Orléans hein. C'est un peu différent. C'est ce que je me disais là en venant. Je me disais, je sais pas, en fait, je trouve que ça manque un peu de. D'ambiance. De famille, de chats, de chiens, de poules dans la rue ici. Ah, il y en a pas. Ah non, ici, il y a pas. T'es fou, toi. Ça manque d'odeur, ça manque de bruit. Ah, les odeurs, il y en a à la radio des fois le matin, mais c'est pas les mêmes. Hein. En tout cas, alors, parce que les gens, ils pensent que t'es parti en stop, mais bon, comme tu dis, le voilier stop, ça existe. Je savais même pas que ça existait, ça. Alors, est-ce qu'il y a un tarif, le mec, il t'a demandé de l'argent, ou alors c'est gratos? Non, c'est gratuit. Enfin, quand je dis stop, du coup, j'entends que logement. Mais après, transport gratuit pendant 8 ans. Logiquement, il faut y penser. Le stop, on peut pas traverser la Méditerranée ou l'océan Atlantique en voiture. Donc, il faut forcément y aller en bateau. Bah ouais, c'est ça. C'était un peu. Alors, donc moi, j'ai toujours cherché du bateau stop. Et les fois où j'ai pas trouvé de bateau stop, j'ai aussi trouvé de l'avion stop. L'avion donc, voilà. Stop, ça existe. Je sais même pas. Ouais. Donc comment à chaque fois, tu fais le stop sur le tarmac. Ouais, c'est ça. Et il s'arrête et il me prend au décollage. Non, non, à chaque fois, en fait, je suis allé voir les compagnies en fait directement. J'explique mon projet. Oh, ils t'ont pas pris pour une dingue. Et en fait, le directeur il a dit bon fermez les portes et l'autre folle qui arrive. Non, en fait la demande elle est tellement spontanée comme ça. Ouais, enfin ils s'y attendent tellement pas que en fait ça déclenche des différentes réactions quoi. Après c'est pas si facile que ça de trouver de l'avion stop et du bateau stop. Ah ouais. Je me suis pris quand même beaucoup plus de non que de oui. Ouais. Mais bon, au final, j'ai quand même toujours ouais, parce qu'ils disent, on prend des risques. Déjà, c'est bon, c'est gratuit, comme tu dis. Ils savent pas quitter parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu aussi, faut être honnête, hein, les attentats, les choses comme ça, on sait pas. Tu arrives là comme ça, je dis, je prends un avion en stop. Waouh, le mec il te regarde. Bah moi, le premier directeur de mon aérodrome, mon aéroport. Je dis, ok, d'accord, bouge pas, j'appelle les gendarmes. Non. Ouais, bah heureusement j'ai trouvé petit à petit. Et après pour les bateaux, des fois en fait c'était j'allais directement dans les marinas en fait, enfin dans les ouais. ports de plaisance ouais. à l'ancienne. Je vais sur les pontons et je vais discuter avec les marins et les marins pêcheurs. Il te dit bon, je fais un tour de pêche et je te ramène si tu veux. Non, c'était un peu ça des ouais, fois. Ouais, les bateaux de pêche ils vont pas très loin. Ouais, c'est mais, ça. J'ai cherché plutôt les voiliers. Ouais. Des belles rencontres. Donc le Brésil, première destination. Ensuite, ça se passe comment? On stoppe là en voiture vraiment là après? Alors ensuite. Ouais, voiture, c'est une façon de parler. Il y a peut-être des camions, des mobylettes, je sais pas. Non, il y a un peu de tout. Ouais, il y avait des camions, il y avait des mobylettes, il y avait des scooters, il y avait des trucs, des tuk-tuk. Il y a des vélos. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a même eu des chevaux. Il y a eu bref. Il y a eu tout. Ouais, il y a eu tout. Voilà. Et donc après du Brésil, en fait, j'ai fait un tour d'Amérique du Sud jusqu'à la pointe sud-sud, Ushuaïa. Ah ouais. Où j'ai essayé d'aller en Antarctique. Et ben j'ai pas trouvé. Je suis resté un mois là-bas chercher un bateau stop. Comme quoi en fait le bateau stop c'est quand même pas toujours évident. C'est pas facile ouais. Mais bon, j'ai continué en Amérique du Sud. J'ai remonté toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord jusqu'en Alaska. T'as fait des photos, des vidéos, t'as des souvenirs, j'espère tout ça quand même. Ouais, j'ai plein de photos, j'ai plein de vidéos. Tu as un album de 8 ans là, un album de ouf. Ouais, bah en fait j'ai tout. En fait j'ai mon blog Le Monde sur le pouce et dessus j'ai mis un album photo et des vidéos sur chaque pays ouais. Et des fois je mets des petits récits aussi. Donc voilà, après l'Alaska, le Canada, j'ai fait une boucle en fait Canada États-Unis et là ouais. Des États-Unis j'ai trouvé un cargo stop. Est-ce que c'était pas trop compliqué aux États-Unis avec tous les protocoles qu'ils ont mis en place? Non, ça a été pour rentrer. C'est hyper c'est dur. Pour rentrer non. Non. Alors pour sortir. Parce que là-haut si tu vas en prison tu restes un moment. en fait j'ai fait des zigzags entre le Canada et les États-Unis, donc je suis rentré 7 fois aux États-Unis, j'ai ouais. eu aucun problème pendant 6 fois et la 7e fois ils m'ont refusé de rentrer. Ouais. Et là donc la raison valable sur le papier qu'ils m'ont donné, c'est aucun lien étroit avec aucun pays. Ouais, ils savaient pas. Donc voilà, genre vagabonde quoi. Ouais, ça c'est un vagabond. Donc voilà, je dis mais c'est pas une excuse ça, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Ouais. Et en fait, j'ai dû faire retourner. Donc j'étais refusé, j'ai dû retourner à Montréal, aller à l'ambassade, faire une demande de visa, ouais. qui au final m'autorise à aller aux États-Unis pendant 10 ans, 6 mois par an. Donc ça, en fait, c'est un peu drôle parce qu'à la base, ils voulaient pas me laisser passer. Finalement, j'ai plus de droits que ce que j'avais avant. C'est bien. Donc voilà, donc finalement, j'ai réussi à aller aux États-Unis. Par contre, aux États-Unis, c'est hyper difficile l'autostop parce qu'en fait, les gens ils sont ils ont peur. Ouais, ils sont hyper flippés. En fait, on en parle pas. Le mec qui prend un stop, il a un fusil dans la voiture. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est... ben là, mais en fait, il y en a qui m'ont demandé ouvre ton manteau, soulève ton bonnet. Enfin, toi, si j'ai pas un flingue, une bombe ou je ne sais quoi. Ouais. Mais non, mais en fait, on en parle pas en France parce qu'on parle seulement quand il y a les plus grosses tueries. Mais en fait, il y a des trucs toutes les semaines. C'est toutes les semaines dans les journaux. Ouais. C'est de la folie, quoi. Donc bon, ça explique aussi pourquoi les gens vivent vachement dans la peur. Mais bon, j'ai quand même réussi à avancer. Ah ouais, là-haut, tu vas à la boulangerie avec un flingue, hein. Ouais, c'est un peu ça quoi. Disons que la moitié des gens qui m'ont pris en stop aux États-Unis, c'était beaucoup d'étrangers, beaucoup de latinos. Ah, latinos. Beaucoup de natifs indiens. Mm-hmm. Et après d'autres nationalités, mais finalement finalement il y avait un peu de tout de tout type de personnes qui m'ont pris aux États-Unis. Des temps en temps, t'as pas eu de la peur de faire des mauvaises rencontres malheureusement parce qu'on les stop, on sait jamais, surtout dans des pays un peu chauds, on va dire. Même en France, hein, y a pas dans les pays chauds. Mais des fois, tu t'avais pas un peu la peur au ventre, tu dis oh lui il est un peu bizarre, il me prend en stop, qu'il t'arrive quelque chose malheureusement. Ouais, bah alors. Non, j'étais pas. Non, parce qu'en fait, moi, je suis quand même assez confiante dans les gens et dans l'humanité en général. Tu cours vite. Et je cours vite. Et non, et je suis hyper prudente en fait. Ouais. Bien sûr que j'ai eu des mésaventures, que mon voyage n'était pas tout rose, que j'ai fait des mauvaises rencontres en stop. Ouais. Après, en fait, moi, c'était quoi, peut-être une personne. Je sais pas, une personne sur 50, une personne sur 100, quelque chose comme ça qui me mettait mal à l'aise. Donc pour moi, franchement, pour les 49 autres personnes et les belles rencontres, enfin, ça valait le coup. Et en fait, moi, j'ai mes réparties toutes prêtes. En fait, quand quelqu'un me met mal à l'aise, enfin, j'ai tellement, en fait, c'est devenu tellement une habitude que ça me fait pas peur. En fait, ouais. J'arrive à retourner la situation pour que c'est un bonhomme, quoi, attends. T'es un bonhomme un peu. Bah, je dis pas que les hommes sont mieux que les femmes. Ouais, c'est ça, j'aime pas trop cette expression. Non, mais c'est une expression, beaucoup de l'emploi, tu sais, quand la femme, elle est un peu, on lui dit, ah, t'es un bonhomme, toi. Après, c'est, j'ai rien contre les ouais, femmes. Ouais, mais hein. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas envoyer balader. Bah, donc, ouais, bah, c'est bien, voilà. Moi, je suis content, au contraire, hein, il faut, hein, des donc, femmes. Donc, moi, quand on m'embête, j'envoie balader, voilà, pas, je me laisse pas faire. Faut pas t'emmerder, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. En tout cas, une superbe aventure. Alors, quand tu traverses des pays en stop, tu dors où? Tu fais quoi? Comment ça se passe? Je me pose des questions quand même. Alors, j'ai dormi en tente, j'ai dormi chez l'habitant. Alors, des fois, ça m'arrive que les gens que je rencontre en stop ou même des fois dans la rue m'invitent à. C'est un peu comme l'émission sur France 5, là, je sais plus comment ça s'appelle, où le gars il voyage avec sa caméra. Là, ouais, Nuit et culottée, c'est trop cool cette émission. Mais alors, moi par contre, en fait, je demande jamais aux gens. Ah, il y a celui qui t'invite carrément. Ouais, en fait, bah, soit il m'invite, c'est cool, soit ça se fait comme ça, soit je dors dans ma tente, soit dans les pays où qui sont moins chers, de temps en temps, je dormais à l'hôtel. D'accord, t'as un budget quand même. C'était quoi ton budget général pour repartir? Mon budget, c'était 10 euros max par jour. Ouais. Bon, après, c'est un peu flexible. Hein. Il y a des fois où j'ai fait un peu plus, des fois où j'ai fait un peu moins. Quoi. Ouais. Mais en grosso modo, j'essaie de me tenir à 10 euros, c'était plus facile pour moi pour calculer. Quoi. Ouais, en tout cas, une belle aventure. Ouais. Bah ouais, c'est génial. Des anecdotes, on va commencer par la moins bonne. La moins bonne, ou t'en as plusieurs, je suppose, des anecdotes. Un truc de fou qui t'est arrivé, ou pas de fou, mais un truc qui était plutôt rigolé. J'ai failli me faire charger par un hippopotame. Enfin, fait charger par un hippopotame en Afrique. Ouais. Donc voilà, j'ai appris après coup qu'en fait l'hippopotame c'était l'animal le plus meurtrier en Afrique avant le lion. Je prenais une photo d'un éléphant. Ça lui a pas plu. Il était jaloux. Mais non, mais en fait il y a un truc qu'il faut surtout pas faire avec un hippopotame. Si jamais vous retrouvez en face d'un hippopotame. Bah ouais. Demain, jamais à Orléans. Si je vois Orléans place du Bar 3, si je vois un hippopotame, je saurai quoi faire. Faut jamais se mettre entre un hippopotame et un lac ou une rivière ou un plan d'eau parce que c'est là où il va boire, c'est là où il aime aller. Ah ouais, c'est chez lui quoi. Voilà, c'est chez lui, il faut pas le déranger. Et en fait, moi je prenais une photo d'un éléphant normal quoi fait j'avais pas vu les éléphants, il y en a partout, moi j'en croise tous les matins des éléphants sur la tangentielle. Et là je vois un éléphant qui arrive sur ma droite et il avance tranquille, tout ça, il se rapproche et je me dis mais c'est pas possible, il est aveugle, il m'a pas vu. Ouais. Faut peut-être mieux, est-ce que je bouge, je vais l'effrayer ou je parce bouge qu'il pas fait quelques tonnes quand même hein. Ah bah oui, et puis ça a des énormes dents en fait. C'est ouais. Donc j'ai hésité, je bouge pas. Ouais. Là il est arrivé à 3 mètres quand même. 2-3 mètres, je me dis, ah oui là c'est quand même très très proche. Donc là j'ai bougé, il a fait un hurlement avec ses grosses dents. Là, ça fait genre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un lion, hein. Et donc je suis partie, je me suis dit mais mince, il va me suivre, je regarde autour s'il n'y a pas un arbre pour escalader, il n'y avait que des petits arbustes. Ah mince, on est mal là. Et du coup j'ai commencé à marcher mais vite sur le côté. Ouais. Donc pas vers l'eau en fait, sur le côté. Et il m'a un peu suivi, il est reparti en arrière, il a hésité, puis finalement il m'a laissé. Voilà. Ouais, ils ont est-ce que tu foutais là en fait? Bah ouais, j'étais chez lui. Ouais, c'est ça. Donc l'hippopotame, un des animaux les plus dangereux, on va dire, en Afrique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On croirait pas comme ça. Ouais. Non, c'est mignon un hippopotame, quand on les voit à la télé. Et ouais, dans l'eau, ouais. Dans l'eau? Mais pas à 2 mètres. Ah ouais? T'es pas tombé sur un lion, une hyène, des hyènes, c'est dangereux ça, des hyènes. Ça j'en ai vu, mais j'étais en voiture donc. C'est des charognards, ça s'attaque aux proies qui sont déjà décédées malheureusement. Ouais. En tout cas, une super aventure en Afrique. Alors après, t'es parti où? Donc Amérique latine, ensuite Amérique du Nord, Océanie. Les gens qui nous écoutent doivent se dire mais c'est un truc de fou quoi ce qui lui est arrivé. Parce que eux les auditeurs là, ils vont à Saint-Jean-de-Bray, Olivet, tu vois, ils font les allers-retours. Ça leur suffit hein. Mais là t'es en train de nous dire que t'as traversé la planète toi. Ouais, j'ai fait 260 000 kilomètres à peu près. Ah là, en stop. Tout en stop. Donc en fait, bon, sachant que la Terre, je crois que c'est 40 000 km, mais bon, j'ai fait un peu des zigzags dans tous les sens, donc ça donne un peu plus. Mais donc après l'Océanie, Asie et après l'Afrique, j'ai fini par l'Afrique en fait. Ouais. Donc là, le dernier pays d'Afrique où j'étais, c'était le Maroc. Donc voilà, ça fait un an que j'avais prévu de revenir, mais du coup, j'ai été coincé plein de fois. Bah d'ailleurs, la dernière fois que Covid, tout ça. La dernière fois que je t'avais parlé sur la radio, j'étais bloqué au Nigeria, je crois. Au Nigeria, ouais, exact. C'est la première fois que je t'ai contacté à la radio, tu m'as dit, je suis au Nigeria, je suis bloqué, je peux pas bouger. Ouais, j'étais bloqué, et finalement, j'ai réussi à partir du Nigeria en avion stop. Non, il y avait des rebelles. Non, heureusement j'étais genre dans à Lagos, la ville où ça va à peu près. Donc voilà, et de là j'ai réussi à partir en avion stop, j'arrive au Maroc, et là au Maroc, boum, ils ferment les frontières 2 semaines après mon arrivée. Ah mince. Donc rebelote, recoincé au Maroc et tout pendant 5 mois. Par contre là c'était super cool parce qu'en fait le Maroc il y a plein d'endroits où, où se balader. Ouais, j'ai adoré le Maroc. C'est vrai. Et voilà, donc 5 mois au Maroc et de là j'ai trouvé un voilier stop pour traverser la Méditerranée, arriver en Espagne et après en France. Ah, donc t'as fait le tour comme ça, après retour en France. Alors le retour en France ça va te faire bizarre non? C'est hyper bizarre. Je suis arrivé. Non, je suis passé par l'Espagne, donc je suis arrivé à Biarritz. Biarritz, ouais. Première nuit. C'était un peu surréel, quoi. Bah surréel. Je t'imagine à Biarritz en train de faire du stop pour dire je repars à Orléans et je viens de me taper 8 ans de tour du monde. Le mec il dit bon il y a un problème, je vais l'emmener à l'hôpital directement. En effet, quand les gens qui m'ont pris en stop. T'es pas pris pour une folle, excuse-moi. Hein, ils ont pas compris en fait quand je dis ouais je fais le tour du monde pendant 8 ans. Ouais, le mec il dit ouais on va te ramener, t'inquiète pas. Non mais les gens ils reposent 3 fois les questions, ça là. Hein, mais tu veux dire 8 ans. En fait, les gens comprennent pas exactement que c'est 8 ans tout d'un coup. Ils s'imaginent, elle dit 8 ans, façon de parler, genre elle a fait 3 mois, tout ça. Ouais. Donc, 8 ans. Et en plus, c'était marrant parce que je traverse la frontière et un peu plus loin, je rencontre 3 filles qui étaient en train de faire du stop, ce qui est quand même pas très courant, 3 filles ensemble en train de faire du stop. Ouais. Et on a réussi à être prises à 4. Dans la voiture. Pour arriver à Biarritz. Ouais, à 4 filles en stop pour arriver à Biarritz. Donc, c'était rigolo pour le premier jour. Ouais. Ta famille t'a manqué? Comment ça se passe, comment la liaison? Téléphone portable ou non? WhatsApp, Skype. En fait, mes parents sont venus me voir 2 fois au Vietnam, au Canada. J'ai une sœur qui est venue me voir 2 fois. J'ai un frère qui est venu me voir 1 fois. Et j'ai quoi? J'ai revu peut-être 10 amis quand même pendant les 8 ans. Ouais. T'as croisé des gens que tu connaissais, non, dans les pays? Ça aurait pu, quelqu'un qui est parti, à l'étranger, que t'aurais pu croiser? Par exemple, en fait, j'ai une très bonne amie qui est partie vivre à Montréal. Ouais. Donc en fait, c'était parfait timing. Le temps que, quand je l'ai vue, elle était en France, et le temps que j'arrive à Montréal, elle était installée là-bas, donc je suis allé lui rendre visite directement. Ça va faire bizarre quand même. Ouais. Un peu. Bon, la vie à la réalité, entre guillemets, Orléans. Alors, t'as vu, ça a changé depuis 8 ans. Ça te plaît ou tu repars? Non, c'est canon, franchement. Ouais. C'est hyper vert, c'est hyper grand, c'est hyper beau. Les gens, ils sont gentils. En plus, c'est l'automne, là, c'est sympa. Ouais, sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'automne. Et c'est joli. Comment t'as géré le côté t'es tombé malade souvent, peut-être, des fois? Non, très peu. L'année dernière où j'ai cumulé les problèmes, mais j'avais pas eu de problème avant. J'ai eu l'hépatite. Ah mince. Ah ouais, mais faut aller à l'hôpital. J'espère que t'es dans le bon pays parce que des fois c'est un peu galère. Hein. Non, c'était pas spécialement mon pays où j'étais au Cameroun. Ah ouais, bon ça va. Il y a des hôpitaux quand même là-haut. Ouais, il y a des hôpitaux. Dans la jungle, dans la brousse, non? Non, mais j'étais dans la capitale. Attends, on va t'opérer. Ça aurait pu. Je me suis fait opérer en urgence dans un hôpital de la capitale, mais bref. En m'opérant, ils m'ont défoncé l'épaule, donc après T'es reparti aux urgences. Après, j'ai fait 4 mois de kiné, donc voilà. Oh, ça va, c'est sympa. Donc ça m'a occupé. En tout cas, une aventure sympathique pour toi. Bah oui. T'as envie de le renouveler un jour? Et... Ou tu repars tout de suite là, tu non, pars bah, le renouveler, non, ce sera d'autres projets. Moi, j'aimerais beaucoup faire des voyages, soit à pied, soit en vélo, pourquoi pas en van ou camping-car, enfin faire des choses différentes. Ouais, tu veux bouger, t'es comme Forrest Gump, toi. Tu cours. Je cours. T'es marié, t'as un copain, quelque chose, non? Comment ça se passe? Parce que ça va pas être facile pour lui. J'ai un copain que j'ai rencontré en voyage. Ah ouais, j'ai ramené avec moi qui est à Orléans là. Ah ouais, parce que si t'as un mec à Orléans, tu lui dis je reviens dans 8 ans. Ouais, ça aurait été un petit peu compliqué. Facile, ça aurait pas été facile. Non, je me suis trouvé un amoureux chilien que j'ai rencontré en Nouvelle-Zélande. Et il est à Orléans avec toi? Ouais. Tu l'as ramené? Ouais, il est revenu à Orléans avec moi. Ah putain, c'est cool ça. Franchement, ça me fait plaisir. En tout cas, une très belle aventure ce matin. Les auditeurs doivent être sciés, à mon avis, doivent se dire, mais ça. Francky, il a mis des gens mythos, mais non, pas du tout. Hein. Regardez, coup de pouce, tous c'est vrai, c'est tour vrai. Du monde en stop hein, sur Facebook. Il y a plein de liens. Le monde sur la pouce. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux et aller voir cette belle aventure, aller lire tout ça. Parce que j'ai plein de gens qui m'ont contacté, me disent ouais, c'est impressionnant. On tombe sur le cul en gros, entre guillemets. C'est vrai que voilà. En tout cas, tu nous as fait. Vendre du rêve ce matin. Ouais, et si j'organise une conférence aussi. Ah, c'est quand? Vas-y, on veut savoir. Hein. Mercredi. Ouais, c'est où? C'est à Orléans. Il y a les liens si vous allez sur mon blog Le Monde sur le Pouce, vous verrez, vous pouvez réserver le billet. C'est où? T'as une salle quelque chose? Oui. Tu peux le dire. C'est dans le quartier Saint-Marc. Saint-Marc, la barrière Saint-Marc, ouais. Ouais, par là-bas. C'est ça, ouais, je vois aussi. Et c'est dans une association. Ouais. Et alors, je crois qu'il y a plus beaucoup de place, mais je vais certainement rajouter des dates. Et par contre, pour le coup, s'il y a des gens qui sont profs, instit, qui sont dans des assos, ouais, pour raconter dans ton des aventure. Musées, des bibliothèques, et qui veulent m'inviter pour des conférences, moi, je suis dispo à Orléans, donc. Ah ouais, c'est bien ça. Donc voilà. En tout cas, ouais, une belle aventure. Bah nous, on fait le forum des associations là samedi, ouais, la passerelle, une belle salle à Fleury. Là. Ouais, si tu veux passer, tu passes. Hein. On t'accueillera avec plaisir. La radio sera en direct depuis le forum. Ok. Et puis bah okay, voilà, si de l'autre côté de la radio, bah c'est bien pour les gamins, ça. C'est un dans une classe de. Ouais, j'ai fait des conférences en fait tout au cours de mon voyage dans les différentes écoles, ouais. Pareil, et Alliance Française aussi. Ils comprennent les jeunes ce que tu leur racontes. Enfin, ils comprennent. Je suppose qu'ils comprennent, mais est-ce qu'ils sont pas un peu stupéfait de le tour du monde parce que non mais en fait c'est génial en fait les enfants c'est un film, tu pourrais faire un film, écrire un livre après, c'est dans les plans aussi, mais ouais, ce qui est cool c'est que les enfants ils ont c'est génial leurs questions, et souvent ils sont hyper intéressés, et les plus petits ils adorent par exemple les animaux dans les différents pays, tout ça, et les ados c'est plus sur comment le faire en pratique, parce que je pense que eux ils se projettent déjà plus pour genre le faire eux-mêmes et tout ça, attention hein, et ça se prépare quand même. Oui, bah oui. Partez pas comme ça, chez vous, hein, parce que. Non, mais c'est ça ce qu'on me demande aussi souvent. Je pense que, en fait, dans l'idée, faut quand même, c'est mieux de commencer par des petits projets. Enfin, moi, j'ai voyagé avec une semaine, deux semaines, un mois. De faire les choses progressivement et pas de tout partir d'un coup. Il y a un mec qui va rentrer chez lui ce soir, il va prendre ses bagages, il se barre, il va dire, chérie, je reviens dans 8 ans, je vais au Brésil. tu vas créer des problèmes, toi, déjà le matin de couple, hein. On va nous appeler. Doucement, partez en couple, ouais, c'est bon, pas de soucis. Ouais, 8 ans avec la même meuf, faut la supporter, hein. C'est de l'humour. En tout cas, on est heureux de te retrouver ce matin en direct sur le 96.2 FM, Florence Renaud. Tour du monde en stop, elle a plein de blogs, elle a plein de choses pour les découvrir. Et puis elle est en conférence, ça sera, on rappelle, à la Barrière Saint-Marc. Hein, c'est ça, mercredi 1er septembre. Mercredi 1er septembre, si vous voulez. Il y a d'autres dates à venir, attention. Il y a d'autres à venir, ouais. Ben, merci d'être venu, ça me fait plaisir. Merci, tu reviens quand tu veux, hein, c'est des trucs à faire, pas de problème. Moi, hein. Bon, malheureusement, c'est le matin, moi, t'as pas de bol. Je reviendrai quand j'aurai écrit mon bouquin. Voilà, un bouquin, peut-être un petit film. Ouais, j'ai beaucoup filmé aussi. Ouais, donc, ouais, j'aimerais bien. Ça va être bien. On met tout ça. Faire un montage avec tout ça. Avec plaisir. Merci Florence. Merci Florence. I know it's make-believe. quelle aventure. Quelle aventure quand même. Hein. J'ai reçu l'exclusivité. Hein. C'est le premier interview radio qu'elle accorde Orléans. On était les premiers à vous faire découvrir Florence Renaud qui a fait le tour du monde en stop. Et ça, franchement, ça peut rappeler que de bons souvenirs. Quelle star m'inviter. Je vais la mettre en photo sur Facebook et sur ses blogs. Allez voir cette aventure de 8 ans. Elle vient de rentrer à Orléans. Elle a traversé la planète. C'était la première fois qu'elle faisait une radio. Et c'était chez nous, sur l'air franciel. Le meilleur des souvenirs avant RDP International et le Portugal. Dance music dans les années 90 avec un groupe mythique Black Box. One on time, heureux d'être avec vous. Je vous retrouve demain à 7h09 avec des invités. Et puis les bruits mystères aussi. Bah ouais, quel est ce bruit? Le jeu de la radio du matin. Je vous retrouve demain. Je vous laisse avec le Portugal RDP International. On vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, 96.2 FM, c'est la radio couleur en direct à la radio. Descobre Portugal à travers dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas. Em cada capítulo, vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Calinette Nettoyage, 117 Route Nationale, 45140 Ingrée, 0238 22 0857. Mail accueil@calinette.fr.

contactez le 02 38 43 48 00.